Me crazy, set my heart in motion. The way you smile for a lady, je veux que tu know que je t'aime. Il me manque d'amour pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I give you the answer. Attendez que je for so long. Do you remember? Mais est-ce que tu know que je t'aime? Il me manque de mots pour te dire je t'aime. Cette fois je suis calé, oh, je suis calé. Hélas je suis calé, oh, je suis calé. Le gars me tue avec son regard. Je suis calé. Les risques conséquences je m'en fous. Je suis calé. Cette fois je suis calé, oh, je suis calé. Façon tu me touches, façon tu me tues maman. I know that you love me, mais je t'aime plus fort. I know that you need me, but I need you more. If you ask me a question, boy I give you the answer. I don't engage you for so long, and I hope you remember. Mais est-ce que tu know que je t'aime?